émission, seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial DJ Amida. Passez une bonne soirée et bienvenue, DJ Amida est là, comment ça va? Très très mal. Oui, tu arrives quand même en diplomate, je vois diplomate. Quand même la tenue que tu as. Une écharpe d'Algérie, évidemment, pour soutenir l'Algérie. Toujours. Un t-shirt du Maroc. Toujours. Alors ça, c'est peut-être pour un essayer de... tunisien. Ah, j'ai pas été vérifié jusque-là, mais merci, c'est vrai. Non, mais alors c'est peut-être juste pour souligner le premier buteur belge, qui n'est pas vraiment belge d'origine. Ouais, qui est marocain aussi. Que tu as vu. C'est vrai que c'est un ami à moi. Voilà, c'est... Il m'a fait perdre mon pari, on était à 7,50 sur la côte, et il m'a fait perdre mon pari là-bas. Toi, tu avais parié pour l'Algérie? Bah oui, j'étais pour eux. Bon, bah là, on vient de l'apprendre hier, Momo, la gueule qu'il fait. Je suis en Algérie. Et en plus, il m'accuse d'être chat noir parce que c'est vrai que les deux fois de suite, je suis rentré dans le studio, les Belges ont marqué. Tu portes la poisse. T'es un chat noir. Je viendrai plus, hein, les soirs de match, hein. Je viendrai plus. Momo, ça va quand même, tu vois. C'est pas grave. Momo, ouais, regarde, c'est quoi? Je propose quand même ceux qui s'apprêtent à partir faire la fête, aller klaxonner avec les drapeaux et tout. Continuez, faites la fête quand même, puisque là, il y a quand même la bande son pour faire la fête avec toi, avec à la bien mix party. On est là. Et puis c'est pas fini non plus, Momo. Là, on a l'impression que la compétition est finie. T'inquiète, Momo, rien n'est fini. T'inquiète pas. La team des Z va être de retour. Bon, en tout cas, si vous arrivez, voilà, sachez que l'Algérie vient de perdre face à la Belgique 2-1 dans la Coupe du Monde et que la suite du foot, ce sera tout à l'heure chez Difool à partir de 21h. Difool qui recevra aussi la crime. Et ce soir, donc DJ Amida avec le projet. Comment ça va, Amida? Bien. Très très bien. T'as bossé aujourd'hui? Ouais, un peu promo. Droite à gauche. À droite à gauche. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu nous réserves pour ce soir? J'ai déjà entendu un invité qui a parlé. Très bien. Qui n'a pas pu se retenir de tacler. Ouais. Et qui lui aussi des invités. Est venu, si vous avez les images sur skyrock.fm, vous allez pouvoir voir, hein, les tenues de chacun, mais qui n'a pas voulu se mouiller. Ouais. Il n'a pas voulu. Ouais. Qui est parti aux States puisqu'il porte un t-shirt des Lakers. Exactement. Ouais. Donc tu n'as pas voulu te mouiller, c'est monsieur LECK. Comment ça va? Exactement. Ça va très bien, merci. En pleine forme? Voilà, ouais, voilà, je suis super content. C'est choquant. C'est choquant de voir DJ Amida à Planète Rap. Mais ça fait plaisir, il le mérite, ce gros-là. Gros-là. Ah, les hostilités sont dans le. Ah, nous deux, tout le temps. Il a un an de retard, c'est lui qui a pris du poids. Ah. La réussite sociale. 2-1, putain. C'est dur à comprendre. 2-1, Belgique-Algérie. Ouais. Voilà, pour l'instant, jusqu'ici, on s'arrête là. Donc, elle sait qu'elle est avec nous. Il y a d'autres invités qui vont passer aussi ce soir, que tu veux présenter? Ouais, bah ouais, il y a Fresh, Amidou. Je vais les inviter, je vais les présenter. Alors, il y a BR, Mansley, Amidou, Fresh. Amidou et Fresh qui font partie de l'équipe 140 Squad. Voilà, on a fait un morceau, ils sont pas là par hasard, on a fait un morceau dans la compil à DJ Hamida qui s'appelle Mehboul. Et voilà, c'est tout à fait normal que ces gens-là sont là ce soir au Planète Rap. Voilà, et donc. Et ben, on l'écoutera ou on le fera en live, je sais pas ce qui est prévu ce soir. Ils vont parler, ils vont développer un peu. Et bon, on va présenter tout le monde ce soir. On va aussi se faire un petit rappel de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Okay. Le petit zapping express de l'émission d'hier soir, ça donnait ça. Avant de parler de à la bien mix party, j'aimerais qu'on fasse un petit CV express de toi, DJ Amida, pour les gens qui te découvrent aussi. Beaucoup de soirées, beaucoup de mixtapes. Beaucoup de mixtapes. Donc voilà, on a commencé par les mixtapes et suite aux mixtapes, elles ont fait un petit buzz et puis ben, on a commencé à faire des soirées un peu partout. Et toi, voilà. Tu viens d'où, toi, à l'origine? Moi, je suis en Bourgogne, moi. Mm-hmm. En Saône-et-Loire, en Saône-et-Mine. Qu'est-ce que tu rigoles, toi? Oh, le tacle de Rimkus. Tu peux pas imiter. C'est pas la peine. Ok. Bon, c'est bon, plus t'as gratté. Lourd, Tony. T'as gratté le featuring Revival avec Kaina. Ah, c'est un rêve, là. Jamida, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut y aller? Par ici, là. Dangerous. Elle est dangerous. Hey. Dangerous. La Sur Sky. Écoute ça. Kaina est là. J'suis pas là, la la la la la la la. J'désactive mes comptes, j'suis avec mes gars. J'suis sous le soleil et j'me pas là. Ne m'appelle pas, j'suis pas là, la la la la la la. J'désactive mes comptes, j'suis avec mon âge. J'suis sous le soleil et j'me pas là. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les carrettes et les bouteilles d'alcool. J'te paye un jean Philippe plein. Voilà, ça c'était hier soir, un petit aperçu, les lives sont dispo sur skyrock.fm. Amida, juste un dernier petit mot avant de balancer le premier son de l'émission. Elle a bien mix party, c'est dans les bacs depuis le 2 juin. Dans les bacs depuis le 2 juin, c'est 30 titres à moins de 10 balles. C'est un prix Eco Plus, on est là sur iTunes, à la Fnac, allez-y. Ouais, ouais. Ça te faisait rire. Ouais, ça me fait penser à moi. Bah, tu vas nous faire tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Ouais. On fera un petit point sur ton actu, t'inquiète pas, avant la fin de l'émission. On débute avec Déconnecté. Déconnecté. Hier soir, d'ailleurs, on va saluer, puisque Kaina était avec nous, l'artiste Kaina, aussi. Qui était là entre 20 et 21 et on écoute ce morceau. Oui, aussi Rimka du 113 dessus. Rimka aussi, le ton. Et ça, c'est extrait de l'album de DJ Hermita. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fan et me barrer tout l'été. Oh, moi je veux voir les visages briller. Voir mes potos kiffer, l'odeur de la viande grillée. On est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas. J'efface mon passé maudit, j'ai mis les bagages dans l'audi. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit, donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge, donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mon bras. Je suis sous le soleil. Le téléphone fait que sonner. Désolé, je suis pas là. Hey gros, à mon tu vas parler. Et ton ma tête est malade. Hey, aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je me tire d'ici, je vais kiffer. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La mixtape, elle est disponible. Dio, ma gueule, Dio, faut aller chercher soutenir DJ Hamida. 140 squad est dans la place. BR Pink Panther. Soutenez le CK aussi, donnez-lui 10 euros pour qu'il se fasse une nouvelle coupe de cheveux, s'il vous plaît. Mansley, légendaire, Noisy le grand, chat noir. La coupe à 500 E. La coupe à 500 dirhams. Ah, les Vuitton à 20 dirhams aussi. On peut les hostilités hein. Sont lancées. Je n'ai pas vu arriver ça sur la fin du morceau. Petit tacle. Ouais, qui envoie le premier. Le CK, Amida, Amida. Et le CK. Non, j'aime trop sa coupe. Ah, attention, il y a un arbre qui arrive dans l'oreillette. Il y a un qui arrive. Des punchlines dans les oreilles. Ah, il arrive de me dire que son coiffeur a été déconnecté. Ah, pas mal. Pas mal. Donc ça taille. Comme Rimka pendant le clip en fait. Donc ça taille sur les coupes quoi en fait, les gars. Toujours. Ah ouais, je te jure. Non, c'est comme ça, c'est bon enfant, c'est la famille. Ah, c'est... Bon, bah là, le morceau. Ça fait 6 ans, 7 ans, on se connaît. Oui, j'ai demandé, ensemble. Toi, c'est quoi l'histoire en commun que t'as avec Amida? Moi, je t'explique, c'est super simple. Ça va être très clair. Moi, j'étais son père. Je tournais avec l'Algérino un tout petit peu, tu vois, et Nixi, avec 609. Hamida, marocain, on s'est compris en mode marocain déjà au début, tu vois. Oh, t'es doux, Meknes, Dimlel, tout ça. Bon, bref. Donc, ça rapproche. Ce mec-là, au début, voilà, tu sais, il m'appelait roulement de tambour. Il aimait bien quand je rappais vite, tout ça, nanana. Après, il m'a invité sur sa première compile. Et voilà, et au fil des années, j'ai suivi. Je suis loyal. Je pense aujourd'hui qu'il mériterait de dire de sa propre bouche que c'est moi le plus loyal de cette compile. C'est moi qui porte sa compile tous les ans. Et aujourd'hui, je veux l'entendre de ta propre bouche. Je veux l'entendre de ta propre bouche. Tu as toujours répondu présent. Voilà, on est toujours été là, même avec des 20 000. vente d'albums derrière, on est toujours là pour le frérot Hamida. Et c'est nous aujourd'hui, on a porté la compile et on a fait croquer les gens qui sont autour parce que voilà, ils le méritent. Voilà. Merci on à toi. En tout cas. Et moi, je suis là, je suis pas là, je suis là. Bon, c'est sur un morceau qui s'appelle 00212 où on te retrouve sur. Non, pourquoi je dis ça dans c'est Calcha, ça. C'est ton frangin qui arrive. Non, je suis sur trois morceaux. C'était sur trois morceaux sur Wesh Pelo. Ouais, qu'on va écouter tout à l'heure. Voilà, Guerre des bouteilles et un morceau qu'on a fait avec l'équipe. Mahboul. Donc voilà, BR, Mansley, Amidou et Cheffrey, on a fait un morceau qui s'appelle Mahboul. Donc ça, c'est ton équipe aussi qui est là. C'est la famille, ça. Mmh. On est différentes équipes, mais on est des frères à la base. Donc voilà, on bosse ensemble et là, on a fait un morceau qui s'appelle Mahboul. Mais Mansley, c'est le Mansley qu'on connaît. Mais Mansley, c'est le Mansley. Tu dédicacé. Mais tous les jours, tous les jours. Mais Mansley, c'est lui. Ouais, c'est lui. Je te rappelle même, on avait fait mon planète rap, il était de l'autre côté du château. Donc là, il a réussi à. Donc là, c'est bon, il a sauté. Et puis, il est là aujourd'hui, et voilà, on a fait le morceau pour DJ Hamida qui s'appelle Mahboul. Qu'on va écouter bien, messieurs. J'espère. Un petit mot, qui se présente? Faisons le tour de table, Fresh, alors vas-y. Fresh, un petit mot, un petit CV express pour toi. Bah, Fresh, issu du 18ème, arrondissement de Paris, rappeur du label 140 Squad. Solo. Produit par Solo, des mecs de Bondy, Mehdi, Moidou. Donc voilà. Il y a des sorties, il y a des choses qu'on peut écouter. Il faut aller cliquer où? Amidou d'abord, sur Facebook. Et je vais le laisser se présenter. Bah, il va nous faire pareil, le petit CV Express d'Amidou. Yes. Ouais, bah moi c'est Amidou, 140 Squad, le label avec Fresh, pareil. Je commence un peu en fait. Avec Foued aussi, qui me donne beaucoup un coup de main. DJ Hamida, j'ai participé aussi. Tiens, prends bien juste le micro, voilà. Ouais. J'ai participé aussi au truc de Rof, certifié par la street, là. Certifié par la street, ouais. Beaucoup mis en avant. Enfin, les premières parties au Zénith aussi. Et, je viens de Bondy Nord, voilà. Faut savoir que c'est à tout la lance, mec, là. Enfin, il arrive pas à bien parler de lui, mais c'est un mec qui sait tout faire, tu vois. Il fait des instrus, il est ingé en même temps, il est rappeur, il est chanteur, il sait tout faire. C'est un tout la lance et c'est vraiment un talent qu'il faut suivre de très donc, près. Amidou. Voilà. Amidou. Où est-ce qu'on peut cliquer pour suivre sur Facebook, 140 Squad? Ouais, Facebook, Amidou, H-A-M-I-D-U, 93, pour ceux qui veulent. On savoir un petit peu plus et dessus. Voilà. Sur Twitter et Instagram aussi, Amidou, pareil, H-A-M-I-D-U. Voilà. Eh ben écoute, bienvenue Amidou, Fresh. Merci. Continuons le tour de table avec Monsieur BR. BR qui est là. Yep, ça va Fred? Ça va et toi? Ça va la France? La France va bien, l'Algérie un peu moins. L'Algérie un peu moins, ouais. On voit ça dans les messages. Hein. Un moment. Envoyez les messages 41759 avec le hashtag DJ Hamida sur Skyrock. Alors pareil, un petit CV Express, on y va. CV Express, moi c'est BR, artiste du 91. On peut me suivre, mon adresse Facebook c'est BR Block Rider, BLOCKRIDER, Twitter @BR Block Rider, pareil, j'ai sorti un clip Pink Panther quelques jours qui fait un grand succès sur le net. Exactement. J'invite tout le monde à aller cliquer dessus en même temps que sur le clip Déconnecté de DJ Hamida. Donc voilà pour le CV Express, c'est BR Block Rider et bientôt de mes nouvelles. Court, rapide, efficace, bravo. Riof 4.30. Aïe, parfait. Ça. On continue. Félicitations à Soulé d'ailleurs. Grand félicitations à Soulé. Ouais, big up à toi, Soulé. Avec Mansley. Mansley, ouais, Triomphal. Ouais, donc ça c'est le label, c'est l'équipe. Non, je rigole, c'est fini Triomphal. Ah, y'a plus Triomphal. Non, ça y est, c'est fini ça. C'est au bois. Ah, coupe de cheveux, c'est au bois, c'est au bois. On a fait faillite. J'ai payé ma coupe de cheveux, c'est trop cher. De Fresh et le coiffeur. Exactement. Bah, tu sais, nous on n'est pas comme Hamida, on prend pas les Ryanair pour aller au tranquille. Ah, tranquille. Mais bon, voilà, quand même, quand je dis l'équipe, c'est quelqu'un de proche de. Non, c'est mon frère. Voilà. Slimane, c'est mon frère, il va se présenter lui-même. Ouais, moi c'est Mansley, du 93. Je travaille avec Fouad, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Plus de 10 piges. Ça fait plus de 10 piges qu'on se connaît. On est ensemble, on parle même pas de rap, lui et moi. C'est plus que ça. Et là, ça fait plaisir d'être sur le projet de DJ Hamida. Ça fait 3 ans que je suis dessus. Si, ouais. Même si j'étais pas là quand les trucs qui sortaient. Lui, en fait, il posait son couplet rentre au placard. Après, il allait au placard. Le château fort. Et après. Bon là tu vas rester un peu avec nous, tu vas pas. Ça fait plaisir qu'il soit là. Mais je peux annoncer vite fait, Mansley, c'est lui vraiment le talent numéro 1 du 93. Voilà, c'est lui vraiment le numéro 1 du 93. Yeah. Il est pas du tout raffilié à moi par rapport à ça. Faut vraiment que les gens fassent la distinction. Mansley, c'est vraiment le talent numéro 1 du 93. Ça c'est certifié. Donc voilà. Et on peut te suivre où alors? Avec Amidou bien sûr. Ouais, le Facebook c'est Mansley Triomphal. Ah, parce qu'il n'a pas eu la chaise encore. Il n'y a pas eu les changements de statut encore. Non. Pourtant, c'est gratuit. Je sais pas comment ça marche. Voilà, Mansly, M-A-N-S-L-Y, Triomphal Music. Et voilà quoi. Et ben on va pouvoir découvrir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on met comme morceau maintenant? Wesh Pelo. Ah, ok, Wesh Pelo, donc c'est le. Avec LSK. Avec LSK. Exactement. Wesh Pelo qui est un petit peu à nos amis lyonnais. Exactement, exactement. J'aime beaucoup les lyonnais et les lyonnaises. Et donc voilà. Qui n'est pas très loin de la Bourgogne. Alors, tu sais qu'il vient de Bourgogne. Ah, très bien, il vient d'où? C'est pour ça qu'il représente Meknès. Allez, on balance le morceau maintenant sur Skyrock. La Liraï, dédicace à toi. Wesh Pelo. On y va. Wesh Amidou. Amidou 140 Squad. Le morceau noir. Il sort le 20, Inch'Allah. Vendredi. Sur la nocturne. LECK. Comme dirait Bim Bim. Bien, j'ai pris celui-là. Liraï, Bruxelles, Belgique. Amoureuse, pas d'une vendeuse de rêve. Soignée, affective. Ma halal doit être marocaine. Je les aime un peu. Grande gueule, souriante, chante. Le roi veut sa reine. Pas besoin d'autotune, ma gueule. Une Tunisienne, soit une Algérienne. Yeah. La mixtape est disponible, ma gueule. Faut aller la chercher. DJ Hamida, le numéro 1. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est jolie, tu l'as triste avec tes histoires pelo. Wesh Khalil, Marseille. Bah les couilles, c'est roule au clio. Dans le respect, wesh pelo. DJ Hamida, le Seigneur. Show. Le 20, en concert. Avec Kenza Farah et Pinet aussi. Place de la mairie, à Épinay sur scène, 93, on arrive. Ouais Jacques, Charlot-sur-Saône, le Solange, aïe aïe aïe, big up à toi mon frère. La Leroy. Sala The Magic, Sala Prod. Jeter des pics ma gueule. Parce que personne n'arrive. Personne n'arrive. Dans ta soirée personne n'arrive. Personne n'arrive. On t'a broqué, personne n'arrive. Hey, 3000 euros si vous voulez nous voir hein. C'est 3000 balles hein. Personne n'arrive. Personne n'arrive, yes. À part tes groupies, yes. Tes meufs en legging, yes. Tes hommes en défi, yes. Chérie t'es jolie, ton corps en famine. On danse sur la piste, tu crées oui la famille. Oui la famille, famille. Ma wife c'est ma mère. Algérien, on Tunisien fier. On prend l'air, Kacha. Si t'as pas de bouteille, mais allez. Lève ton verre, ouais. Kamel le nouveau. La précommande, dès maintenant pour moi. Ça sort vendredi, on revient. La stratégie Mokobé, ma gueule. Et oui, va. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Arabian Mix Party où vous retrouverez ce morceau. Évidemment, avec LECK qui est là, qui est très en forme, LECK. Hein. Ouais. Je suis bouillant, ma gueule. Et LECK qui nous a rapporté un petit gâteau. Ouais, voilà. Avec marqué donc, la gourmandise n'est pas un vilain défaut dessus une vrai. Boîte. Alors, ça, c'est la belle-sœur de Slimane qui nous fait les gâteaux. Franchement, il déchire. Et en fait, on va le mettre bientôt sur notre Facebook. Vous allez avoir les liens et tout ça. On va même le mettre maintenant. Regardez voilà. Sur skyrock.fm, voilà. On peut le mater. Donc voilà, faut aller soutenir. Et c'est ce gâteau que je vais offrir à DJ Hamida. Moi qui voilà, au régime. Qui s'appelle Lek, c'est écrit noir. Par rapport à la précommande qui est tout de suite sur iTunes, vis-à-vis de Noir qui sort vendredi. Vendredi, d'ailleurs, tu viendras nous le balancer dans la nocturne vendredi soir aussi. Il est fait à base d'Oreo. Ah, celui-ci ? Eh oui, oh, il doit défoncer celui-ci. Eh ben, c'est pour ça qu'on va faire quoi ? On va ramener un couteau, c'est un couteau à Skyrock, et on va tous manger. Voilà. DJ Hamida. Allez, on fouille tout le monde pour les couteaux. T'inquiète, c'est un gâteau light. Light. C'est gratuit. C'est sympa quand même. Tu as vu quand même cette preuve d'amour et d'affection. C'est preuve d'amour. En plus, c'est son Planet Rap là aujourd'hui. Ouais, c'est... je sais pas si t'as remarqué, c'est lui là. C'est fait chez lui là. Ouais. C'est moi le numéro 1 de la bien mixte. Ça ne va pas être que son Planet Rap puisque ça va être un Planet Rap. Et ça va être maintenant l'heure du jeu. Est-ce qu'on enlève la petite instru, s'il te plaît, mon fabuleux? Balance-nous ça maintenant. Puisqu'il est grand temps de jouer ensemble. Là, vous allez être chacun pour votre gueule. Hein. LECK, Ouais. Là, il n'y a pas d'équipe, il n'y a personne. Chacun sa merde. Amida, pareil. Chacun sa merde. Nous allons faire le quiz que l'on a commencé depuis quelques semaines. Vas-y. Avant cette Coupe du Monde, le quiz spécial Coupe du Monde. Tout le monde est fort en foot ou pas? Sans blague. Mansley, donne ton micro à quelqu'un d'autre. Allez, attention, coup d'envoi. De ce quiz Coupe du Monde, donc ça joue pour sa gueule. Momo, tu ne triches pas cette fois-ci. De toute façon, Momo, on l'a perdu, donc c'est pas très grave. Donc des questions simples autour de la Coupe du Monde. Le premier qui a la bonne réponse, ça joue là-dessus. On dit direct la réponse. Ah ouais, ou on lève la main, on se dépêche. En tout cas, j'essaie de repérer le plus facilement possible. Vas-y. Alors attention, pour l'instant, quel est le meilleur buteur du Mondial 2014? Pour l'instant, Müller. Ouais, bravo. Voilà. Merci. Bravo, je pense qu'on peut applaudir. Bravo, Bouchard. Thomas Müller, évidemment. Bravo, de l'équipe allemande. Qui Karim, il est en train de tricher derrière toi, frère. qui a réalisé un triplé ouais, évidemment. Nos amis portugais. Voilà. J'ai des vannes pour tout le monde, mais je vais les garder, c'est si vous voulez. Les CK, n'oublie pas ta précommande. Ouais, la précommande. N'oublie précommande pas de noir. Précommande. Vendredi. C'est pour ça que ça avait bien commencé. Tu t'avais mis un maillot des Lakers. Ne va pas plus loin que ça. S'il te plaît. Fraîche. Allez, attention. Dépassez-moi. Une question sur Karim Benzema. Oui. Ouais. Oh. Le poteau. Benzema a mis combien de buts en compétition officielle avec l'équipe de France? Deux buts. Mais non. Avec la France, c'est officiel. 22. C'est moi qui l'ai dit. Alors attention, en compétition officielle, je ne parle pas des matchs amicaux. En compétition officielle. 26. Mmh. Il en a mis deux, je crois, gros. Ouais, c'est deux, non. La bonne réponse venait d'ici. Slimane. Ouais, c'est Slimane qui a. Et d'ailleurs, écoutez-le. Qu'est-ce qu'on ressent quand on marque son premier but en Coupe du Monde? Bien, surtout que c'est ma première Coupe du Monde. Mais je pense qu'on est tous satisfaits du résultat. Et c'était important de gagner ce premier match. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'était important ce petit extrait. Merci beaucoup. la suite du quiz pour l'instant est le CK1. Amida, je sais pas ce que tu fous. Hein. Ah, il regarde le gâteau. Non, je regarde sa coupe de cheveux. Avant ce soir. Quand était le dernier but de l'Algérie dans un mondial? En 86. En 82. En 82. En 83. En 82 ou en 86 contre l'Irlande? C'était en 86, c'est en effet. 86 contre l'Irlande du Nord. Eh ouais, poteau. Et le buteur s'appelait Zidane. Eh ouais, poteau. En lien de commentaire avec notre réseau à nous. Bravo, et le CK qui a marqué 2-1 pour l'instant. La précommande des suritudes. Le mec, il dort plus à cause de la Coupe du Monde. Il dort jamais. Attention. Quel est le seul match nul et sans but pour le moment lors de cette compétition mondiale de... Iran-Nigéria. Iran-Nigéria. Je me suis fait chier. Bravo Amida. Je soupçonne d'avoir triché. Le gâteau de Bouchard. Je soupçonne d'avoir triché. Enfin, la dernière question. Attention. Tant mieux. Là, attention, là, tout le monde peut répondre. Vas-y, ok. Surtout toi, Amida. Parce que fraîche, là, zéro, là. Amido, zéro, là. Non, mais là, on va dire que c'est la super grosse question. C'est-à-dire que celui qui donne la bonne réponse. C'est le gagnant. C'est le gagnant et gagne le gâteau. Coupe le micro, Amida. Quel est le top 3 des joueurs les plus sexy de la Coupe du Monde? Cristiano Giroud, Caballé, Neymar. Neymar, Cristiano et le gâteau Fabot de LCK est dans mes mains. Et le vainqueur est DJ Amida. On le laisse, c'est son planète rap. C'était en effet Ronaldo, Cabaye et Neymar. Cabaye, il est beau. C'est le top 3. C'est le top 3 qui a été donné dans les médias selon un dernier sondage. C'était top 3. Donc, Amida, c'est ton gâteau, tu peux commencer à l'attaquer. Je préfère les pieds à solo. Allez, on vient dans Planète Rap dans un instant. Qu'est-ce qu'on va passer comme morceau? La guerre des bouteilles. La guerre des boutons, des bouteilles. Excusez-moi, c'est un film de mon enfance il y a très longtemps. Je sais. Il y a très très longtemps. La guerre des bouteilles, pardon. La guerre des bouteilles. Qu'on mettra dans quelques minutes. Tu veux dire un mot sur celui-ci, Amida? LECK. Ou LECK? J'ai eu du mal, hein, sur celui-ci. Rise à la prod. Rise. Mmh. À la prod. Voilà. Je me rappelle que j'ai eu un petit peu de mal au début sur ce morceau. Mais Dieu merci, après j'ai écouté les conseils de... C'est Nabil ou Karim qui était là? C'est toi? C'est moi aussi qui étais là. C'était Karim et Hamida, excuse-moi. Mais tu sais, parce que t'étais en train de fumer la chicha, ça veut dire que t'avais pas trop le temps. Mais en fait, voilà, on a... ce qui est bien avec lui, c'est qu'on on travaille vraiment ensemble. C'est pas qu'un simple DJ, tu vois ce que je veux dire? Il dit ce qu'il voit, ce qu'il pense. J'oriente tout ça. Le truc. Voilà, il oriente la chose. Et puis voilà, ça a donné la guerre des bouteilles. Et franchement, c'est un hymne. C'est un titre que je joue, ça fait au moins 2-3 mois que je le joue avant de le sortir. Et puis en soirée, il donne super bien. Et toi, voilà. Tu testes tous les morceaux avant en soirée ou pas? Généralement? Ouais. J'ai vu que Lil Jon faisait ça pour ses titres et je fais pareil, je teste. Je mets entre deux bangers, je mets le morceau que les gens ne connaissent pas et je regarde ce que ça donne. Et vraiment, ouais, c'est un bon indicateur à chaque fois ou pas? Ouais. Ah ouais, j'ai toujours travaillé comme t'as ça. T'as déjà eu des surprises sur des morceaux qui prennent tout de suite, genre. Ah. Ouais, ça aussi. Ça aussi, ouais. Bah, le déconnecté. Et bah, le déconnecté. Et la guerre des bouteilles aussi. Et la guerre des bouteilles. Mais il allait l'ajouter, il est en train de dire. Bon, bah, bougez pas, juste après la pub, la guerre des bouteilles sur Skyrock, il y aura du live aussi avec vous tous. Exact. Le retour de Planète Rap et on attaque enfin ce gâteau. Vas-y, t'as le drop. Pendant la pub. D'ailleurs, pile pour le terre. Comme toi, DJ Hamida a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. 2094, c'est le nouveau cri. Chérie. Ton boule dans mon rétro, j'ai pas ce qu'il te parler. Chérie, je veux pas ton numéro, je ne veux que danser. Venu avec tes potes, un peu fou et acharné. Ma Matusalem, gros gamin, c'est pour te charmer. Chichon, si t'as envie de fumer. Y'a tout le monde dans les clubs, va falloir assumer. Aïe, aïe, aïe. Avec tes potes, un peu fou et acharné. Ma Matusalem, gros gamin, c'est pour te charmer. Ça fait une bouteille de Jack, deux bouteilles de Jack. La troisième sur ton crâne, la quatrième est dans ton fiac. Une bouteille de Jack, deux bouteilles de Jack. La troisième est sur ton crâne, mais dans ton fiac. On se fait la guerre des bouteilles. On se fait la guerre des bouteilles. On se fait la guerre des tables. Me parle pas si t'es rebou. On se fait la guerre des bouteilles. On se fait la guerre des bouteilles. On se fait la guerre des tables. Me parle pas si t'es rebou. Jamais pour les Belges. Non peut-être. Jamais. Cooper BR sont bien dans le vide. Si t'as pas l'Elias, Yogo, faut que tu prennes la fuite. J'attrape une autre ignace. Ensuite, ma suite. J'aime pas les mecs pides sous coke et qui parlent vite. Vite. T'es les places de Cloto, j'veux pas que ma team galère. Dans le club, c'est Kingston, aromatisme assez carré. Baby, t'es vraiment bail, un peu comme le prix à carrette. Sous-moi sous les draps, j'veux te faire disparaître. À la BMX partie dans les bacs. Une bouteille de Jack. Ouais. Deux bouteilles de Jack. Ouais. La troisième sur ton crâne. La quatrième est dans ton fiac. Une bouteille de Jack. Ouais. Une bouteille de Jack. La troisième est sur ton crâne. La quatrième. Et dans ton fiac. On se fait la guerre des bouteilles. Jusqu'à Saint-Michel. Bois des roches. Bonne sorte pour tous les bouts. Bandina. MAO2S. On se fait la guerre des tables. Le pas si t'es rip. Camembert. Palacio. Jamais. Dans le chat. On est là. C'est lui le numéro 1 marocain. Aïe. C'est la guerre des bouteilles à l'instant que vous retrouvez sur l'album Malab bien mix parti avec LECK, notre invité ce soir aussi entre 20 et 21. Vas-y, bon courage, dis-nous un truc. C'est magnifique. C'est vrai que tu te fais chambrer aussi sur ta coupe par les auditeurs qui te voient. Et ils connaissent pas le lissage. C'est la coupe qui tue à New York, comme il a dit Saïd. Tagmaoui. Ils connaissent pas le lissage brésilien. Ah, c'est le lissage brésilien. Le lissage brésilien. Bravo. Il est tant que les You Get SM. C'est le principal. Un bim bim. Envoyez des messages avec le hashtag DJ Hamida sur Skyrock. Je crois qu'il y a des nouveaux arrivants aussi dans le studio, Hamida, que tu veux présenter peut-être. Et oui, va. Deux nouveaux arrivants en cellule. En plus, ils ont déjà fait de la prison. Ouais. Faut continuer. Les clichés. Hein. Les clichés, t'as vu. À ma droite, j'ai Kamel le Nouveau. Kamel le Nouveau qui est là. Kamel 9-5. Sur mon projet, il a fait un titre avec moi qui s'intitule Champs-Élysées. Un morceau qui j'ai eu de très très bons retours. Donc je me tenais de l'inviter. Kamel le Jdid. Et bah bienvenue Kamel le Nouveau. Bienvenue. À ne pas confondre avec l'ancien évidemment, puisque là c'est le nouveau, c'est tout neuf. Ouais. Il est là avec nous. Un petit CV express pour toi, Kamel le Nouveau. Ouais, Kamel le Nouveau, 9-5, Villiers-le-Bel. On est là, voilà, on est venu donner la force pour le projet à Hamida. Donc ce soir, ça a la BMX partie 2014 et on est là. Et bah écoute, bienvenue dans Planète Rap. Ouais. On continue, Amida, tu reçois un message. Ouais. Je te vois, t'es déconcentré, qu'est-ce qui se passe? C'est une meuf. Je suis sur Insta. Donc ici à ma gauche, Kalchar, mon grand frère. Donc ça c'est ton frangin. Ouais, c'est lui qui m'a mis dedans. C'est moi qui l'ai mis dans la merde. C'est vrai. On l'a mis dedans, ouais. Alors juste pour résumer, et le CK qui est là-bas. Ouais. Il a vanné sévère sur la Bourgogne. Hein. Mais dis-lui normal qu'elle chasse. Non, mais. De toute façon, c'est un mec classé, lui. Ouais, non. Tiens, je suis bourguignon quand même, faut pas l'oublier. Ah, j'ai grandi là-bas. À Guirou, hein. Mais comme on dit, les lions sortent de la brousse, Fred. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Faut pas l'oublier. Et il faut pas oublier ça. Ah, bon, ils sont chauds, là. Ils sont forts, là, d'avoir dit ça. Ah, non, c'est très bien. Non, mais c'est un très beau proverbe, c'est vrai. Les lions sortent de la brousse. Ah, non, mais c'est une réalité avant d'être un proverbe aussi. C'est une triste réalité. Et c'est aussi vrai. Oui. Bon, un petit mot quand même sur, parce que c'est vrai que quelque part, voilà, t'as initié le frangin pour qu'il se mette aux platines et tout. Ouais. C'était quoi? C'était forcément la funk qui tournait beaucoup à la maison. Funk et ouais, West Coast à l'époque. West Coast aussi à l'époque. Beaucoup de West Coast. Est-ce que t'as pu penser à un moment que le frangin pouvait faire carrière? Non, je me foutais de sa gueule quand même. Ouais. Mais bon, au début, t'as vu, mixé avec une souris, c'est pour ça que je lui ai arrêté quand même. Donc, j'étais obligé de lui dire arrête. Les dossiers familiaux sont de sortie. Ah non, mais bon, dis la vérité. Et le CK, je te les laisse, hein, si tu veux, pas, si tu veux savoir un truc. Demande-lui comment il a eu ses premières platines, il va te raconter. Alors, comment a-t-il eu ses premières platines? Ah, il les avait pétées, frère. N'importe quoi. Les avait volés avec un mec? Non. Le mec, il s'est rangé. Moi, je dis la vérité. Il n'y a pas de problème. Je m'assume maintenant, c'est bon. Allez. On peut les rembourser d'ailleurs aujourd'hui. Bon, s'il y a des gens intéressés qui se rappellent une vieille histoire. Bah, c'est même pas des gens, c'était, je crois, centre social, je crois, à l'époque. Oh merde. Stop. Pas de problème, là. Non, il y a plus de 10 ans, la prescription, c'est bon. Il y a prescription. C'est bon, c'est mort. Bon, donc, t'es, voilà, fier du frangin. Ouais, bien sûr, fier de lui. Et ça va, il a continué sur ma lignée. Mais toi, tu faisais aussi de la musique en parallèle, tu vois? Ouais, mais j'en fais toujours, d'ailleurs. Et t'en fais toujours, puisque t'es présent, d'ailleurs, sur le projet. Exactement, ouais. Sur 00212. 00212, entre autres. Exactement. Donc notre concept, voilà, c'est la force du Maroc, pour être clair. Et oui, va. Et étant donné que je me suis plus reconnu dans mon pays que dans mon quartier, étant donné qu'il y avait beaucoup de poucaves à l'époque, je me suis dirigé directement dans mon état natal, tout simplement. Et je me suis plus retrouvé, on va dire. Donc voilà, la culture, l'ambiance. On prenait 3 mois fermés avec le daron à l'époque. Juin, juillet, août, c'était non-stop. Je revenais, on avait oublié le français en septembre à l'école. Il fallait 3 mois pour s'y remettre. Ah ouais, on avait oublié. C'était la merde. Donc voilà. Ah ouais. Et comme le rap, c'est un peu l'identité personnelle de chacun, on pouvait pas se mentir à nous-mêmes. Eh ben écoute, bienvenue en tout cas. Je te remercie, Frédéric. Et on passera quoi, un morceau dans quelques minutes? Qu'est-ce qu'on passe? 00212. Okay. Alors, faut quand même expliquer, 00212, c'est l'indicatif pour le Maroc. Ouais, c'est l'indicatif. C'est l'indicatif, ouais. Pour, ouais, l'indicatif pour à l'époque, Maroc. On devait faire un groupe comme ça. Exactement, tu rappelles. Et puis voilà, c'est passé à côté. On devait faire, ouais. Mais il faut dire un truc, c'est que Kalcha, en fait, il en a tellement rien à foutre de la musique qu'en fait, ça marche ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, t'as vu, c'est pas quelqu'un qui est toujours mis en avant, mais en fait, il a vraiment une fan base, tu vois, qui le suit parce qu'il est vraiment à la zone. Ouais, tu vois, moi-même. Et franchement, ça fonctionne. Et j'aime bien, il en faut des mecs comme ça dans l'industrie. Mais bon, on l'écoutera dans un instant, extrait du projet La Bien Mix Party. Juste avant, on est avec Frimo de Clichy dans le 9-3. Salut Frimo. Salut Fred, bienvenue à la famille. Clichy-sous-bois, ça va bien Frimo? Clichy-sous-bois, ouais, on est là au calme. Hein. Et bah écoute, bienvenue dans le Planet Rap. T'as entendu, il y a du monde, hein, Frimo, ce soir. Ah, il y a du bon people là. Est-ce que toi, t'es toujours dans ta cabine téléphonique? Non, bah apparemment aujourd'hui elle fonctionne pas, là ça sera le portable. Ah là c'est le portable aujourd'hui, ok, parce que Frimo il a l'habitude, il vient souvent dans l'émission. Et c'est rap de cabine, mais là c'est rap de portable. On t'écoute rapper, c'est parti mon pote Frimo. Si. Eh, hey, FRIMO. C'est ça les hommes, hein. Clichy sous mon fermeil. Parlons bien, parlons peu, parlons hostile. Ok. Eh. Hey. Y'a plein d'amis qu'on ne connaît pas qui ont un gros talent. Certains MC pour des filles. Baisse le pantalon, je suis à Lyon dans la savane. Nourriture d'MC dans la cabane. 93, cliché mon carmel là où je pavane. 2-3 rimes suffisent amplement pour mettre un truc KO. Au KO, tu n'es pas au courant, le rap sans aussi les KO. Y'a trop de rappeurs qui mentent, heureusement qu'il y a mon croc qui monte. Ta vie est aussi fausse que les diamants posés sur ta montre. J'ai claqué beaucoup de rappeurs, aujourd'hui la plupart me détestent. Bonne de petits brawlers, aussi il fallait pas nous test. Bonne de petits brawlers, aussi il fallait pas nous test. Bonne de petits brawlers, aussi il fallait pas nous test. Retire ta veste que je piétine. Cric, boum dans la rétine. Brolique dans ta bouche, à la base de la tétine. Quand je déboule, y'a pas photo. T'as pris route pour moi et mes potos. Quand je vais bouger la foule à croire qu'ils ont gagné tout ce loto. Je t'arrache tes yeux et je te plie en quatre. Je double le crâne, allez hop, puissance 4. Hostile. Ok Frimo, à l'instant, énervé en freestyle comme d'hab, merci à toi Frimo. Ici, Big Up, la famille au calme. Rappelle-nous, on peut te suivre sur le net si les gens veulent te retrouver, te suivre. Moi, comme d'habitude, c'est sur Twitter. Vous tapez FRIMO-du-bas officiel. Et puis voilà, le 22 juin, on donne un concert. Première partie des Wattibé, ici sous bois à la pelouse. C'est gratuit, venez nombreux. Au calme, on est ensemble. Eh ben, merci à toi, Frimo. Merci, Fred. À très vite dans l'émission. Ciao, passe une bonne soirée. On balance ce morceau maintenant, 00212, c'est parti. Ok, on est là, allez hop, balance la sauce, on appelle Rock Moi Direct. Mix parti, coup de fil. En featuring avec Aaron. Aaron. Big up à toi, tremble en rond. On est là. Wesh Aaron. Avec le chichette dans le clip. Il y a des taches de hate. On est là, ma gueule. Putain, c'est le Rock Moi Sky, ça sent le douze. On y va. Cette fois, tu fais bouger les darons. Chacun sa et Mister Aaron. Bouge ta sape, me fit t'es pas bonne. Ambiance de ménage, le chef a fait le sabon. J'ai mis le rock moi à la mode. Bienvenue au Maroc, les a tous mis à la main. J'ai fait bouger les blagues, les Françaises et les Allemandes. J'ai même fait danser le milliard des meufs en Thaïlande. Maroc, résine, l'Algérie au Brésil. C'est clair, net et précis. C'est pour les frères de la Tessie qui squattent et qui restent ici. À la bien 2014, DJ Hamida fait bouger les cassos. 2014, DJ Hamida fait bouger les cassos. Wesh Aaron. Aaron, y'a mon haram. Ça a été claqué. معاكم انتوما الاولى بيضا يا خويا يا ولاد الحومة اغان انتوما وي وي وي اغان الليله مع بنات الحومة وفي خاطر بغي منين ايوا Le Western Union. Passez-faites le mandat. Passez-faites le tic son oeil. Que vous retrouvez sur la bien mix party à l'instant. Ah non, Kalcha Skyrock, c'est vraiment lourd. Ah, t'as rien vu. Ah non, je viens tous les jours. Mais non, on va se mettre en wallpill. C'est chaud là. Ah bah, c'est de famille en fait. Ah, tu sais. Ah, je suis l'auteur de l'auteur, grand. Ça devait pas être triste à la maison, hein. Non, non jamais. Pas. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à ma maman et à mon papa qui nous écoute du Maroc en ce moment. Là. Je vous aime, Al-Hajj, Al-Hajj. Moi aussi, je t'aime. Et à mes petits-enfants, Adam et Nian aussi. Eh, et ben voilà, toute la famille à l'écoute. Et vous pouvez même mater les images si vous voulez sur le skyrock.fm pour découvrir un petit peu à quoi ressemble le frangin de DJ Amida. Ah, ils me connaissent. La même tête que lui. Ils le connaissent. Il y a peut-être 20 millions de vues sur YouTube, ils le connaissent. Ah, j'aime ça, il fait pas de bruit. Ils me connaissent. Bon, on balance un autre morceau, Amida. Ouais, vas-y. Champs-Élysées. Ah oui, c'est avec un le morceau que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un morceau, ouais. Qu'on aime tous. Donc allez, c'est à toi. Petite histoire. Comment ça s'est passé, moi et lui? Je lui ai envoyé une prod un peu tendance funk. Il m'a répondu, écoute, je vais te faire un délire plutôt trap, 70 BPM. Et je lui ai dit, vas-y, je te laisse faire. Et puis il m'a fait. Voilà. Je l'ai suivi dans sa. C'est lui qui m'a donné la direction. Et t'es content ou pas? Super content. Bon. Le public est super content. Mais c'est t'es content ou pas? Moi, la vie de ma. Après mes morceaux. C'est le tien. Aïe aïe aïe! Direct. Et Kalsha, c'est le daron. Il est hors concours, quoi. Il est hors classement, c'est ça? Franchement, non, Kalsha, non. Voilà, Kalsha, c'est un personnage. Il mérite un planète rap à lui tout seul. Ah, j'en mérite deux, non. Deux semaines. C'est faut le faire au Maroc, alors celui-là. Faut le faire sur mon star. Ah bah, alors, ce que je kiffe, c'est que c'est pas un kiff. Ah, il y a Ryanair à 20 balles aller-retour, c'est faisable. Ah ouais, je te jure. C'est le seul qui a harag au Maroc. Et c'est le seul qui a pas de passeport marocain, frère. C'est vrai. Allez, on écoute le morceau maintenant. Ouais, c'est parti. Champs-Élysées. Aïe, aïe, aïe. Yes, Champs-Élysées. Ah, c'est pour mes gars, ça. Villiers le Bel, JCR. C'est pour mon gars Vega. Si, t'as l'écoute ou quoi? DJ Hamida. Hey. Si. Le 21 juin, au summum, la famille. Hiya hiya bref star. Elle veut pas se compliquer la vie avec un mec qui sort du star. Elle ne veut pas la vie de star. Elle veut un temps et bingo. Elle veut bronzer sur le star. Awaharan avec ses pingo. Elle est pas dans le délire. Vite, non. Les fois qui montent leur slip. Non. Les chichas qui font les gangstas dans leur clip. Clip leur clip avec des billages. Batterie. Le matin sans maquillage. On dirait les contes de la grille. Adoubilet. Tu peux jouer les gros bonnets indépendants. Rien à foutre. Big up à toutes les meufs indépendantes. Elle a pas ton temps. Ouais. Fais pas le méchant. Et regarde, l'amour est dans le pré. Toi tu cherches l'amour sur les champs. Ça fait. Oh, Champs-Élysées. 5h du mat, on sort de bois. Tous alcoolisés. Où est mon idéal? Elle s'est volatilisée. Peut-être qu'elle n'existait pas. Je crois qu'on a trop teasé. Yes, il n'a dit il était. J'ai vu Nana HD. Ta bouteille. Mais elle voulait qu'un LG. Bienvenue en Champs-Élysées. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Où le haram s'est banalisé. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. T'arrives sur le bus. Tu la veux, tu fais du business. Pour te marier, habus. Si t'arrêtes, bah c'est la haine. C'est la plus belle de la tête. Fais un crédit pour la dope. Ouais. On t'a dit, passe à la caisse. Voyage de noces à Marrakech. Fais pas le gueux. J'assume ton relou, garde la pêche. Wesh, fais un queue. Arrache un queue. Souvent de la CS. Yes. C'est pas tout des IEM. Oh non, c'est pas tout des IEM. Prends pas toutes les beurettes pour des michetonneuses. Fuck ton Porsche Cayenne. Tu peux jouer les gros bonnets. Indépendant, rien à foutre de ta monnaie. Elle a pas ton temps. Fais pas le méchant. Fais pas le méchant. L'amour est dans le pré, toi tu cherches l'amour sur les champs. Oh, Champs-Élysées. 5h du mat, on sort de bois. Tous alcoolisés. Où est mon idéal? Elle s'est volatilisée. Peut-être qu'elle n'existait pas. Je crois qu'on a trop teasé. Yazid a dit il était. J'ai vu une LHD. T'as payé ta bouteille. Mais elle voulait qu'un LHD. Bienvenue aux Champs-Élysées. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Où ça s'est banalisé. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Si, les gars, c'est pour toi, enfoiré. Cric, boussi. Buko. Hey, Limse. Ouais, Buko. Et la famille. Et retrouvez-moi en showcase, ils ont son mom le 21 juin. Oui, c'est vrai. Inch'Allah. En plus, j'ai rien à faire le 21, je vais être là. Tu vas venir, Inch'Allah. Ah, on va venir à 7. J'ai dit, putain. Les Casafater, Riof. Mec, le style. Mon gars, ça se passe au summum le 21 juin. Riof, premier showcase, Kamel le nouveau, poteau. Kamel le nouveau à l'instant. Champs-Élysées, c'est ce qu'on écoutait. Donc, a priori, si j'ai bien compris, il se passe quelque chose le 21 juin. Ouais, voilà, on fait un petit showcase le 21 juin, là, pour la fête de la musique. Ça se passe au summum, hein, au 117 boulevard de la République, à Aubonne. Donc voilà, faut venir donner la force. Voilà, on va faire le boulot, quoi. Et bah, aller faire un tour là-bas. Et la veille, on sera nous en concert à Épinay-sur-Seine. Ah, mais ça, on s'en fout, ça. Ouais, si tu veux. Bah, rigole. Donc, le 20 juin, il faut aller voir LECK à Épinay. Voilà, Épinay, bon, le 20 juin, c'est super rempli. Il y a la sortie de Noir. Ouais. Il y a le concert. Fred, il en peut. Bien glissé. Il y a le concert, à Épinay-sur-Seine. Il y a Amidou qui va venir. Mm-hmm. Et il y a BR aussi sur scène avec moi. Avec Kenza Farah et Mohamed Lamine. Et ça, c'est gratos. Et il y a la sortie de Noir aussi. Et je suis sur la Nocturne aussi. Bon, voilà. Un nouveau truc, chargé. Mais je suis sur la Nocturne. T'inquiète pas, je suis là. Chargé. Hein. Et le week-end, c'est le Quai 54. Et le 21 juin, avec on passera Kamel aussi voir Kamel le Nouveau, ouais, sûr, du côté d'Aubonne. Tant que c'est gratuit. Kalcha, il y a un truc de prévu là, le 20, 21 juin, 22. Non, le 21 juin, Marrakech. Ah, on t'entend pas. Ah, Marrakech, le 21 juin. Ryanair encore, Kalcha ou pas? T'as dit quoi? Ryanair encore? Non, là, t'es fou, ça y est, elle vient cher, gros. Elle est bien, c'est bon. Fini. C'est bon, ils ont percé. Est-ce qu'avant de finir, de finir avec un dernier morceau? Ouais, Merboul. On va jouer Merboul. Le Maroc et le Maboul. De quoi? Le dernier morceau? Ouais. Ouais, on va jouer Bienvenue au Maroc et Merboul en même temps. Bienvenue au Maroc et Merboul. Donc tu vas au platine? Okay. Il va au platine. Allez, comme ça, allez, tu fais un mix entre les deux. Okay. Allez, c'est parti, tiens, va bosser un petit truc, t'étais tranquille. Grosse dédicace à Bim Bim. Bim Bim, j'allais dire, tu me l'enlevais du mot. Dédicace à Bim Bim qui va faire un album très bientôt. Il va l'appeler Ça passe ou ça casse. Non, ça passe ou ça brasse, il a dit après. Grosse dédicace à, voilà. Allez, à c'est toi, parti. Petit mix maintenant par Amida au platine. On rappelle que c'est à la bien mix party, c'est dans les bacs depuis le 2 juin, c'est parti. Amidou, on est là ou quoi? Vas-y, envoie-nous, on entend nous. Aïe, aïe, aïe. Il est là ou pas, Fred? Il est là, le classique. Il est là ou pas? Il est là, le classique. Ils connaissent pas encore le morceau avec Sinhaji qui arrive. Ah, soulève, va faire mal. Il va faire mal. Le retour du bico. Le Maroc est présent aujourd'hui. Hein, Bim Bim? Il est là ou pas, le rock moi? Mais que les style gros. Chacun se bat. Wesh, chez moi. Wesh, grippe. Khalid ou le mec classique, je te casse à toi. Khalid. Yes. Ouais, ouais. Ah, il manque du thé là. Ok, une chatte, yo, hein. Chou. Jalal Hamdaoui. Jalal Hamdaoui ou la Hamdana? Non. Lady, le Maghreb. Ça fait Lady, le Maghreb. Si, si. Bienvenue au Maroc sur Sky. Yes, salam, yes, salam, Allah. Bienvenue au Maroc. Si soit t'es riche, soit t'es pour, tu t'amuses comme un dingue, même si tu n'as pas de lourd. Bienvenue au Maroc. C'est ici que je m'imagine, je m'en tape de vos départements, je représente mes origines. Bienvenue au Maroc. Marbabé Kumpf Bledi, les lions d'Atlas sont dans la place, et Aïdil qui me l'a dit. Bienvenue au Maroc. Et y'a la sûreté nationale, et si tu pousses à fond, moi je te dis ça va faire mal. Bienvenue au Maroc. Si tes touristes ramènent la thune, les marchands comprendront malgré les toutes petites lacunes. Bienvenue au Maroc. Bienvenue dans mon pays, mais les warnings et klaxons, fais tirer 336. Bienvenue au Maroc. Et y'a du spin, j'ai du Meloui. Et si tu kiffes ta meuf, j'ai une bague, vas-y Meloui. Bienvenue au Maroc. C'est là que j'achète mes fausses baskets. Que je recharge mes disquettes, tout le monde le sait pendant que tu passes le 17. Blade, le monde. Ouais, bim bim. Si vous avez un problème au Marrakech, vous dites que vous êtes tous un bim bim. Tout un triomphal. Comme les doubles. Kamel WW. Rai, ouais, salam, yes. Cameroun. Maïa Afouch. Bienvenue au Galsen. Bienvenue en Algérie. Oui. Bienvenue en Tunisie. Bienvenue au Sri Lanka. Eh les poundés, on y va. C'est le pays de l'évolution. Dans nos rues, Wallah, tu trouves de moins en moins de corruption. Bienvenue au Maroc. Mauritanie. Y'a les chars, y'a les refus. Personne ne se terrifie. Bienvenue au Maroc. Y'a les petits taxis, y'a les grands. Faut pas te faire faire la faut pas parler ses francs. Bienvenue au Maroc. Y'a les j'oublie les Sahraouis. Ben oui. T'inquiète poteau, j'oublie pas les Kazaouis. Et la capitale c'est Rabat. Les Slats, tu devrais passer par là-bas. Maroc. Y'a les Bissar et les Meknia. Un petit conseil, ne laisse jamais traîner ta bnia. Y'a des bêtes de gamos. Et si t'as mal au ventre, c'est que t'as trop mangé de kramos. Kramos, c'est le mot. Je suis impur, mais que n'est-ce pas? Pique pas toute ma ville, y'a tous les mecs nés ici. Kalcha, attention, frelon, attention. Sont les filles? Elles sont pas là. Elles ont mis des t-shirts fluo. Y'en a tellement qui veulent se mettre entre nous. Tu sais bien, c'est ce qui nourrit les jaloux. Comment ça tu parles mal de Dali? L'esprit mal, moi-même je suis un tout couré. Viens ici, je te présente à Hamidou. Je vais percer d'après mon marabout. Quand elle rentre dans le club, ça sent l'embrouille. Elle attire tous les dalles, les andouilles. Ma Jusalem, tu repasses sans oseille. De bien saper de la tête à l'orteil. Papa n'est pas là, donc c'est le boxon. Maman est plus tard, elle se pose des questions. Sous vodka, tu perds la raison. Attends, là-bas, ce serait pas ton rafton. Prends ton sac, prends la fuite, ça sent pas bon. On se tape là en même temps que la poisson. T'as fait tourner la tête de ce garçon. Il faut ton garde la pêche et ton buffon. Khalini, khalini, khalini. Ya witi, ya ne mehboul. Que nous allons gagner. Vendredi, t'as tout est emballé. Ça se passe, mon frère, sur la propre commande. Idus, prends l'équipe à ravaler. Voilà, sans jamais à tailler. Elle le sait. 9-4, on va les driver. Je joue la star pour m'évader. Passe le wash, j'ai dit passe le wash. Passe le bébé, passe le wash. C'est magnifique. Fresh, il était derrière pour écouter le morceau. BR, il était derrière pour écouter le morceau. Achetez l'album, vous allez entendre le morceau, le recouplet de Fresh et le couplet de BR. Le temps nous a eu. Eh ben merci, merci à vous en tout cas pour cette soirée. On va dire au revoir et faire le tour de table dans quelques minutes. Juste avant, on fait tourner rapidement la roulette. Skyrock t'offre les premières places pour la première tournée française de Black M. Salut Pauline Delagnon. Salut. Ça va bien Pauline? Oui, ça salut va. Salut Popo. Salut. Ça va Popo? Bienvenue Popo, comme ouais, dirait LCK. Tu es prête à faire tourner la roulette? On y va là? Oui, oui, prête. Tu cries noir, d'accord? Tu cries noir. Ok? Et tu gagnes un gâteau. Noir. Tu cries noir. Et tu gagnes un gâteau qui arrive à la maison. D'accord. On n'a pas salué d'ailleurs la France. Tu es à New York. Noir finir. Où est-ce qu'on peut trouver le les gâteaux là qu'on a eu? Sur le Facebook Sodelis Gourmandise. Voilà. Et Pauline, pour toi, c'est deux places pour aller voir Black M en concert à la rentrée. Deux grosses places pour Black M, c'est pour toi. Merci, merci beaucoup, nickel. Et bah, profite bien, Pauline, je te fais des bisous. Oui, bah merci, bisous à vous. Ciao, merci. Ciao. Salut. Bisous, passe une bonne soirée. On fait un petit tour de table de tout le monde pour remercier tout le monde. Il y avait donc ce soir LECK avec nous. Yes, I. Bon, voilà. Donc on s'attend vendredi. Merci avec un voilà, extrait exactement. Qui s'appelle Noir. Ouais, voilà, je serai là encore jeudi, t'inquiète même pas. Ah. Et on... avec des nouvelles vannes, avec des nouveaux trucs. Non, tranquille, en mode cool cette fois-ci. La coupe, oh là là, il veut pas me lâcher. Donc voilà, ça se passe. Donc, comment dirais-je, le vendredi, Inch'Allah, il y a le morceau Noir, le retour d'LECK. Ça se passe. Vendredi, faut vraiment soutenir, comme je soutiens tous les gens qui sont ici. Il faut vraiment être là. Vendredi ça se passe, c'est Noir, le clip qui vient directement, on monte la barre, l'album va suivre. C'est un EP en fait, il est disponible sur iTunes, c'est à 2,99€, c'est vraiment pas cher et t'as 7 morceaux dedans gratuits. Voilà, il y a un morceau de Mansley qui est dedans qui s'appelle Chat Noir. Voilà. Et bah merci à Mansley, on va saluer le 140 Squad représenté ce soir par Amido, par Fresh qui était là aussi avec nous ce soir. Petit dernier mot, on attend quand pour le 140 Squad, ça arrive quand? Ça va arriver, il faut rester connecté sur Facebook. Encore une fois, Amido H-A-M-I-D-U 93. Et on remercie DJ Hamida de nous avoir invités. Merci ça à fait vous. Super plaisir. Merci frérot. Très plaisir. Merci, voilà. Merci à vous tous. BR est là aussi. BR, voilà, je vais rappeler ses actualités. Merci voilà. La famille. Un gros big up à vous. Big up à Sky. Big up à toute la France. Big up à DJ Hamida. Big up à Kalcha. Big up à LCK. Big up à tout le monde. Mansley. C'est BR. Pink Panther. Allez sur YouTube. Cliquez la famille. Ça coûte rien du tout. C'est gratuit. Gros bisous à vous. Merci aux frangins qui étaient là. Kalcha qui était là avec nous ce soir. Comme d'hab, on est en retard. Tu le sais, on est jamais. On n'a pas de montre. On a le temps. Karim 69, il est où là? Mais ça va être arrivé. Bien, on est arrivé. Voilà, on est dans les temps. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à Macan. Parce que le CK est à la Coupe du Monde. Kamel le nouveau. Macan Sisso. Il est là. Kamel le nouveau qui était là. Et donc, on a bien retenu le 21 juin du côté. Merci à DJ Hamida encore. Du côté de Aubonne pour aller te voir en concert. Et le 20, on vous attend tous à Épinay sur scène. Il y aura tout le monde ici. Et demain, de retour entre 20 et 21, Hamida. Un petit peu avant 20h, on sera là. Demain. Et là, il est content de retrouver Default qui reçoit aussi un invité. Ah non, il sera pas là. Ah, il sera pas là? Il sera pas là, la crime. On le retrouvera bientôt. Peut-être qu'on l'aura au téléphone dans la soirée, là. Ah, ok. Oui, oui. Ouais, ah, bah, on va venir, nous, alors. Ah, bah, on arrive, t'as J'ai la chicha, j'arrive là, du coup. Ah, on arrive. Oh, bah voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Bah, merci en tout cas pour ce beau Planète Rap. Merci. Dans un instant, grosse radio libre qui démarre. On vous attend déjà en direct hein, au 01 53 40 30 20 si vous voulez nous appeler. Oui. Les Algériens pouvez nous appeler aussi. Ah, bah on a Momo. Hein, je peux dire qu'il est un peu en déprime. On va le récupérer. On va le récupérer à la petite cuillère dans un instant, Momo. Et puis donc, vos messages de toute la France au 41759 sur le skyrock.fm, sur les applis. Allez-y. Toute l'équipe est là. Oui, on est tous là. Tout le monde est là. Tout le monde s'installe. Même Cédric. Même Cédric. Il vient d'arriver, tu vois. Il va courir partout. Ouais, miraculeux. Elle a décidé de faire du sport. Mais on va en reparler dans un instant, là. Allez, préparez-vous. Radio Libre, c'est parti. DJ Amida, je le fais sans accent. Hein, mais merci. DJ Amida, c'est demain. Merci, à demain. Demain, juste avant 20h pour Planète Rap. Et si tu veux un gâteau d'Ifoul, il y en reste. Ah, bah c'est génial. Un gâteau Oreo. Je te l'emmène de suite, Romano. Ah, bah y a pas de problème. En plus, t'es un mec d'Autun, je suis un mec de Monceau. Ouais, mais je sais que t'es de vers chez moi. Mais c'est vrai qu'on en a pas parlé encore de cette rencontre. Si vous avez parlé hier, pas de la rencontre. Ah, on s'est jamais rencontré, mais. On s'est jamais rencontré. Non, mais je vais lui ramener le gâteau. Ça va parler de Vas-y, pas de problème. Je te ramène ça. Tu sais qu'en plus, Romano est un grand DJ très connu sur Autun et sa région. Il est plus connu du côté de Saint-Pantaléon, Autun, on m'a dit. C'est ça. D'ailleurs, je vais te faire un au revoir en bourguignon. Vas-y. Oula. Bonsoir, DJ Amida. Mais qu'est-ce que tu me racontes de beau là? Allez, bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée à toi. Je vous emmène ça, ciao. Et là, c'est parti, on arrive tout de suite sur Skyrock Radio Libre. À demain, Fredo. Ciao.